On est tellement inconscient, tu vois, nous les humains, responsables de nos propres maux, nous les humains. On est le mal et le bien à la fois, nous les humains. On rêve d'éternité mais on est mortels, nous les humains. Le principal devoir qui fait de nous un homme bien, comme sa preuve, c'est que nos mots collent avec nos œuvres. Qu'on soit partout égal et identique à nous-mêmes. Qu'on ne décrive pas le vrai, qu'on soit la vérité même. Ou bien on déteste, ou bien on imite les gens. Or, il faut éviter ces deux sentiments. Ne deviens pas comme les mauvais parce qu'ils sont nombreux. Mais sois pas l'ennemi du nombre, cela te ressemble peu. Traîne le plus souvent avec ceux qui te rendent meilleur. Et aide les plus jeunes que toi à devenir encore meilleur. On est dans la même galère, faut qu'on soutienne mutuellement. Et les hommes apprennent mieux la vie en l'enseignant. Chacun a accès à la sagesse, d'abord pour soi-même. Pour soi-même, et en se retournant à soi-même. Mais on est inconscient, nous les humains. Ils repoussent toujours à Dieu le mal humain. On est tellement inconscient d'y voir, nous les humains. Responsables de nos propres maux, nous les humains. On est le mal et le bien à la fois, nous les humains. On rêve d'éternité mais on est mortels, nous les humains. On est tellement inconscient d'y voir, nous les humains. Responsables de nos propres maux, nous les humains. On est le mal et le bien à la fois, nous les humains. On rêve d'éternité mais on est mortels, nous les humains. Au départ on kiffe, on agit, on se croit jeune pour la vie. À la finale, 35 ans dans les halls high. Loin de la jeunesse éternelle, oublie-moi Highlander. À fond dans le délire, on va pas passer le temps ni l'heure. En vérité, c'est parce que le monde entier ne suffit pas. On en veut toujours plus à fond, sensation forte à mort. On vit dans l'excès, baignant dedans mais on a tort. 35 ans dans le hall, moi je peux te jurer que t'as des remords. Pas d'enfant, pas de taf à la baraque, même pas une fouf. Le temps passe à une vitesse folle et on ne le voit pas. Et finalement, comme dit le proverbe, que jeunesse se passe. Et sur la tête de moi, il reviendra pas pour ta gueule. Le temps est précieux, bon usage fais-en mon vieux. Faut pas louper le gauche, sinon t'es un lion de gauche. On a qu'une vie, un temps pour tout et fais pas je sais pas quoi. Tu boufferais le monde sûr, toi t'aurais encore la dalle. On est tellement inconscient, tu vois, nous les humains. Responsables de nos propres maux, nous les humains. On est le mal et le bien à la fois, nous les humains. On rêve d'éternité mais on est mortels, nous les humains. On est tellement inconscient, tu vois, nous les humains. Responsables de nos propres maux, nous les humains. On est le mal et le bien à la fois, nous les humains. On rêve d'éternité mais on est mortels, nous les humains. Philosophie de l'existence concrète, chaque jour le temps passe. Chaque seconde et chaque minute, à peu on trépasse. Toute une partie de notre vie disparaît dans le vent. Lorsque chaque année on rajoute à notre âge un an. Nous avons perdu l'enfance, l'adolescence puis la jeunesse. Quand inconsciemment ou sciemment on disait que rien ne presse. Jusqu'à hier déjà, le temps a passé le pas. Même le jour que nous vivons c'est avec la mort qu'on partage. En fait plus t'as d'expérience et plus t'es sur le départ. Malheureusement on prend la mort pour l'autre et jamais pour soi. Personne se soucie de vivre bien mais de vivre longtemps. Alors que tout le monde peut vivre bien et personne éternellement. La vie c'est toujours pareil, chacun répète les mêmes gestes, les mêmes erreurs, les mêmes regrets et tout le monde peste contre Dieu ou le destin, alors qu'on est seul coupable. Mais un jour on saura que certaines choses n'étaient pas des femmes. On est tellement inconscient, tu vois, nous les humains. Responsables de nos propres maux, nous les humains. On est le mal et le bien à la fois, nous les humains. On rêve d'éternité mais on est mortels, nous les humains. On est tellement inconscient, tu vois, nous les humains. Responsables de nos propres maux, nous les humains. On est le mal et le bien à la fois, nous les humains. On rêve d'éternité mais on est mortels, nous les humains. On est tellement inconscient tu vois, nous les humains. Responsables de nos propres maux, nous les humains. On est le mal et le bien à la fois, nous les humains. On rêve d'éternité mais on est mortels, nous les humains.